Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, on va donner le coup d'envoi avec une nouveauté italienne, un groupe que je ne connaissais pas du tout, qui a pour nom Bridgend, leur premier album, sauf erreur, qui est pour titre Raja. Ça va être suivi d'une nouveauté suédoise, The Blank Page. C'est le projet de Anders Landelius et il s'est entouré de musiciens notamment qui ont joué avec Steven Wilson et surtout du batteur Morgan Agrin, un batteur renommé qui a joué avec Frank Zappa, Kaipa, Carmackanic, Mats & Morgan et j'en passe. Et c'est une nouvelle pièce qui annonce un album à venir très bientôt. Ce sera suivi de Matt Crayons, groupe italien, avec leur plus récent Drops. Et ben, je m'en voudrais aussi de ne pas vous signaler que à 10h30, on a un spécial Alessandro Corvaglia, mon chanteur italien préféré, le chanteur avec en majuscule, le chanteur italien de prog et un des grands chanteurs de prog tout court. Donc, on a une heure avec lui. Il va nous présenter des pièces. J'ai fait un choix, j'y ai envoyé et il m'a préparé des présentations. Ben, on y va, nous, on donne le coup d'envoi avec Bridgend de l'album Raja. We'll be right back.

You keep moving again. falling down into this. Would someone tell me, please? Can you lie to yourself on the shore of the river and watching your mind flowing away? Would you please take my hand? I will be a good friend. You can pull me away by today. Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec. Quand vos parents ont besoin d'aide, vous êtes là. Quand vos enfants ont des craintes, vous êtes là. Quand vos amis vivent un moment difficile, vous êtes là. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Rendez-vous sur québec.ca/allez-mieux ou appelez Info Social 811. Un message du gouvernement du Québec. Comme je vous le disais tantôt, on a un spécial Alessandro Corvaglia ce soir, un chanteur qui est surtout connu pour son rôle dans La Maschera di Cera et dans une moindre mesure avec Delirium, mais il a aussi chanté avec plusieurs autres formations italiennes. Et puis, je trouvais que ce serait intéressant de réunir peut-être quelques-unes de ses performances, pas toutes, parce qu'il y en a quand même pas mal fait, mais au moins de résumer en une heure. Et il a accepté avec beaucoup de bonheur de nous enregistrer quelques introductions pour ce spécial. Donc, je vous laisse avec Alessandro Corvaglia. Hi everybody, here is Alessandro Corvaglia from Maschera di Cera and Delirium and many other things. Since I'm happy to have collaborations and relationships with musical friends and colleagues the most I can, I'd like to bring my wishes for a great 2021, even if with a certain delay, hoping it will be free from all the problems and critical issues we had to face in the last troubled year. Well, it would take more than half an hour to explain what the forthcoming song is in the world of my musical growth and evolution. So I will simply say that this band and this track really changed my life as a then 16-year-old boy and definitely turned my way of playing and composing, turning back to prog music after a brief interval connected to guitar playing and an American folk country style. This band and this track are deep-rooted in my heart and soul, so let me introduce Aurora Lunare and a song called Eroi Invincibili Son Solo I Pensieri. Thank you. se già io credo di perdere il tempio che ti possedere non so. Sì, perderò, forse no, il nome mio per sempre. Thank you. As many of you might know, I regard Maschera di Cera as my main band, since they gave me the chance to be known and appreciated worldwide throughout the years. We have crossed many periods, but Luxade, released in 2006, is still my favorite album, apart from the last one, just released in 2020. This was a track just showing our power in those days, and it is called Doppia Immagine. Cammino sopra libertà. Mi incatena nella polvere. Sto impazzendo per andare via. Collaborations, Narrow Paths, born from an intuition of a dear friend of mine, Mauro Montobbio, an indeed excellent guitarist, has been a very pleasant way to rejoin some kind of expressiveness, getting close to a new proxying style, which was new to me. This comes from 2006 and it's called Wake Up. Time is floating, it's the time of all my dreams. Faded colors, nothing's like the way it seems. Is this another dawn? Just one more day that's gone into a whirl of experiences, flowing like stream. I'm waiting to rise again in a golden beam. Is this another day? A new place to come and stay? Wake up is all they have to say. Though your hands are weary, ain't the time to kneel and pray. Wake up, the shades will go. The glittering wheels of the chariot of fate will lead you on the road. so frightening. A lack of breath, a spiral flame, a senseless race without a name. Like crawling ants or creeping bugs, they all go by, just look in his mind.

it is easy in the world of music to meet bands and people that really leave a great mark in your spirit and growth. This is what happened with the fantastic guys of Il Giardino Onirico, and I think it comes out clearly in the emphasis and emotion I experimented singing some tracks of their awesome LP Apophenia. Particularly in what you're gonna listen to now, that goes with the title of Scivolosa Simmetria. We'll be right back. 2014, I had the great pleasure and honor to be recruited by one of the most historical and popular Italian prog bands, which is Delirium. My debut album with them has been really a strong test, but I saw my mates were really satisfied. Since then, the story goes on, and we're about to face the band's 50th anniversary. So this is a track called L'Inganno del Potere. Speranze pro cifre a molti zeri, bagni il letto va, ma c'è qualcuno che sa già le tue formule. C'è il tuo clone onnipresente, ha studiato gli ingredienti, le promesse e le battute sono le stesse rivedute, le tre carte sa come muoverle per poi farsi credere. Consider one of my most loved compositions, written in 2005 but released 5 years later. I'm very tied to this song, not only for what it's about, which is the Asiatic Southeast tsunami in 2003, but also because it mixes sadness with hope, even if sadly turns out to be more actual than I thought of at the start, looking at all the events that hit the world from time to time. Here's to you, Fino all'Aurora. Fino all'aurora ho stretto c'è stato un mondo che non esiste. Like to thank everybody listening this 1 hour special. Tell them it's been a great honor and pleasure. Many thanks also to the precious mates of Terra Incognita. I hope to meet you really soon. Bye, take care and stay safe you all. Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Les déplacements et les voyages sont à éviter. En cas de symptômes, il est important de se faire tester rapidement et de respecter les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec. Pour notre dernière demi-heure, ben vous le savez, on jette toujours un coup d'œil dans le rétroviseur. Et là, ça va être un coup d'œil hybride. C'est un nouvel album signé par The Mastelottos, c'est-à-dire le projet du batteur de King Crimson, Pat Mastelotto, et sa compagne Deborah. Le titre de l'album, c'est A Romantic's Guide to King Crimson. Donc, on jette un coup d'œil, mais c'est nouveau. Et ça sera suivi de Great White Nothing. Ça, c'est nouveau. Ça nous vient de Atlanta, en Géorgie. Hymn for Hungry Spirit, volume 1. Et puis là, ben, on retourne dans les années 70 avec un classique italien, enfin pour plusieurs, Luciano Basso de l'album Voci, paru en 76. Et on va boucler tantôt, mais je vais vous revenir pour vous souhaiter une bonne fin de nuit. Donc, une surprise pour la dernière. Et on y va avec Book of Saturday par The Mastelottos. Forgetting the game every time. Thank you. Starry's on the starlight. C'est déjà le temps de vous quitter et je vous invite à vous abonner à notre page Facebook et à demeurer des nôtres. L'autoroute va suivre dans quelques instants. Et moi, je vous laisse avec ce qui est considéré comme un classique des années 90 italien, Ezra Winston, Ancient Afternoon. C'était le deuxième et malheureusement dernier album du groupe qui a inspiré plusieurs personnes et plusieurs musiciens italiens. Sur ce, bonne nuit et revenez-nous la semaine prochaine. Thank you.